Book 2 ثلاثة 3 3 التعارف Faire connaissance مرحبا Salut Salut مرحبا Bonjour. Bonjour. كيف حالك؟ Comment ça va? Comment ça va? هل أنت من أوروبا؟ Venez-vous d'Europe? Venez-vous d'Europe? هل أنت من أمريكا؟ Venez-vous d'Amérique? Venez-vous d'Amérique? هل أنت من آسيا؟ Venez-vous d'Asie? Venez-vous d'Asie? في أي فندق تقيم؟ Dans quel hôtel séjournez-vous? Dans quel hôtel séjournez-vous? منذ متى وأنت هنا؟ Depuis quand êtes-vous ici? Depuis quand êtes-vous ici? كم ستبقى هنا؟ Jusqu'à quand restez-vous? Jusqu'à quand restez-vous? هل يعجبك هنا؟ Est-ce que vous vous plaisez ici? Est-ce que vous vous plaisez ici? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Êtes-vous en vacances ici? Êtes-vous en vacances ici? يجب أن تزوروني. N'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à venir me voir. هذا هو عنواني. Voici mon adresse. Voici mon adresse. هل سنرى بعضنا غدا؟ Pourrions-nous nous voir demain? Pourrions-nous nous voir demain? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Je suis désolé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Je suis désolé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. إلى اللقاء. Salut. Salut. أراكم قريبا. Au revoir. Au revoir. إلى اللقاء قريبا. À bientôt. À bientôt.